Chapitre 88. Lettre de Jean-Joseph. Réponse de Julien. L'océan. Les vagues, les marées, les tempêtes. Par les lettres, nous pouvons converser les uns avec les autres, malgré la distance qui nous sépare. La veille du jour où le navire devait partir, André reçut une lettre à laquelle il ne s'attendait guère. Il regarda avec surprise tous les timbres dont la poste l'avait recouverte. Paris à Marseille, Marseille à Sète, Sète à Bordeaux. Elle était allée à la recherche des enfants dans les principales villes où ils avaient passé. « Que de peine la poste a dû se donner, » dit Julien, « pour que ce petit carré de papier nous arrive. Je n'aurais jamais cru que la poste prît tant de soins. » André ouvrit la lettre. Elle avait été écrite par le brave petit Jean-Joseph. Ayant reçu quelques sous pour la fête de Noël, il les avait employés à acheter un timbre-poste et du papier. Puis, de sa plus belle écriture, il avait écrit à André et à Julien pour leur souhaiter la bonne année, pour leur dire qu'il ne les oubliait pas, qu'il ne les oublierait jamais, que toujours il se rappellerait qu'il leur devait la vie. André et Julien furent bien émus en lisant la petite lettre de Jean-Joseph. Cette preuve de la reconnaissance du pauvre enfant d'Auvergne les avait touchés jusqu'aux larmes. « Julien, dit André, toi qui as le temps, il faut, quand nous serons à bord du navire, répondre une longue lettre à Jean-Joseph. Cela lui fera plaisir. » « Oui, je lui raconterai notre voyage. Cela l'amusera beaucoup, et j'écrirai bien fin pour pouvoir en dire bien long. Oh, que c'est donc agréable de savoir écrire, André. Quand on est bien loin de ses amis, quel plaisir cela fait de recevoir des nouvelles d'eux et de pouvoir leur en donner. » Réponse de Julien à Jean-Joseph. « Mon cher Jean-Joseph, lundi matin, André et moi, nous avons été bien contents, oh, bien contents, quand nous avons reçu votre lettre, et nous vous souhaitons, nous aussi, la bonne année, mon cher Jean-Joseph, et qu'il ne vous arrive que du bonheur. Mais savez-vous où nous l'avons lue, votre petite lettre du jour de l'an? C'est à Bordeaux. Et savez-vous où je vous écris celle-ci, moi? Non, jamais, jamais, vous ne devineriez cela, Jean-Joseph. Alors je vais vous le dire, c'est au beau milieu de l'océan, sur le pont du navire Le Poitou, qui est un grand vaisseau à voile. On l'appelle Le Poitou parce que le capitaine auquel il appartient est de Poitiers. Mais vous n'avez jamais vu la mer, Jean-Joseph, ni les navires non plus. Alors il faut que je vous explique cela. Imaginez-vous que l'océan me paraît grand comme le ciel. Partout autour de moi, devant, derrière, je ne vois que de l'eau. Le ciel a l'air de toucher à la mer de tous les côtés, et notre navire avance au milieu, comme une petite hirondelle bien petite, qui paraît un point dans l'air. Pourtant il est très grand tout de même, le Poitou, et on est bien installé dessus. On est même bien mieux que dans un autre bateau, où j'ai navigué déjà sur la Méditerranée. La Méditerranée, c'est aussi une grande mer, mais elle est bien loin de ressembler à l'océan. Elle n'a point de marée, point de flux et de reflux, comme disent les matelots, tandis que l'océan a des marées très hautes. J'étais bien en peine de ce que cela signifiait, la marée. Mais j'en ai vu une au port de La Rochelle, où notre navire s'est arrêté un jour, et je vais vous dire ce que c'est. Vous saurez d'abord, Jean-Joseph, que l'eau de toutes les mers remue toujours. Elle n'est jamais tranquille une seule minute. Elle danse à droite, à gauche, en haut, en bas, la nuit comme le jour. Seulement la Méditerranée saute sans avancer sur le rivage. Il reste toujours au même endroit, comme l'eau d'une rivière ou d'une mare. L'eau de l'océan, au contraire, avance. Avance pendant 6 heures sur la terre comme une inondation. Alors il y a de grands terrains tout couverts d'eau. Puis après, elle redescend pendant 6 autres heures. Et on peut marcher à pied sec là où elle était, comme j'ai fait à La Rochelle. Seulement, on n'y peut rien laisser, vous pensez bien, ni rien bâtir, car elle revient ensuite pendant 6 autres heures, et elle emporterait tout. Et c'est comme cela, toujours, toujours, depuis que le monde est monde. Il paraît que c'est la lune qui attire ainsi et soulève l'eau de l'océan. Je vous dirais, Jean-Joseph, que c'est tout à fait amusant quand on est sur le bord de la mer, de jouer à courir au-devant des vagues. On a beau se dépêcher, voilà que quelquefois les vagues courent plus vite que vous, et on en reçoit de bonnes giboulées dans les jambes, et on rit parce qu'on a eu peur, tout de même. Mais je suis sûr, Jean-Joseph, qu'en lisant ma lettre, vous vous dites, « Est-il heureux, ce Julien-là, de voyager ainsi et de voir tant de belles choses ?» Tandis que moi, je fais tout bonnement des paniers le soir, à la veillée, après avoir gardé les bêtes au champ tout le jour. Ah, Jean-Joseph, ne vous pressez pas tant de parler. Quand vous serez nos aventures, vous verrez qu'il y a bien des ennuis partout, allez. D'abord, les premiers jours qu'on était sur le navire, il y avait de grosses vagues. si grosse que cela nous ballottait comme les feuilles sur un arbre quand le vent souffle. On ne pouvait pas marcher sur le plancher du navire sans risquer de tomber. Il fallait donc rester toujours assis, comme si on était en pénitence. Et puis à table, quand on voulait boire, le vin nous tombait tout d'un coup dans le col de votre chemise, au lieu de vous tomber dans la gorge. Et alors, petit à petit, à force d'être toujours secoué comme cela, on finissait par avoir envie de vomir. Les marins riaient. « Bah, disaient-ils, ce n'est rien, petit Julien, c'est le mal de mer, cela passera. » Hélas, Jean-Joseph, cela ne passait pas vite du tout. On ne pouvait plus ni boire ni manger. On ne faisait rien que de vomir. Mon Dieu, j'aurais bien voulu, je vous assure, être alors avec vous à tisser des paniers le soir, tout uniment, au coin du feu. Enfin, tout de même, à la longue, cela s'en est allé. Ce coquin de mal de mer est passé, et je me suis remis à travailler dans un petit coin du navire, comme si j'étais à l'école. La marée basse et la marée haute. Le lieu, représenté par la gravure, est le Mont Saint-Michel, près de Granville. C'est un rocher isolé sur les côtes de Normandie. À marée haute, il est entouré par les flots. À marée basse, les flots l'abandonnent, et on peut s'y rendre à pied ou en voiture. Le Poitou, l'Aunis et la Saintonge ont des côtes sur l'océan, avec le port commerçant de La Rochelle, 20 000 habitants, et le port militaire de Rochefort, 30 000 habitants. La ville principale de ces provinces est Poitiers, 31 000 habitants, cité savante et industrielle. On remarque aussi Angoulême, 28 000 habitants, centre de la fabrication du papier. Niort, 21 000 habitants, La Roche-sur-Yon, Châtellerault, avec une fabrique renommée de couteaux et d'armes blanches, Saintes et Cognac, qui font un grand commerce d'eau de vie.